Ho Huo apprit un matin de la bouche d'un voyageur l'histoire extraordinaire d'une courtisane de la petite ville de Yuhang. Il s'enquit de son nom. Quand il connut la déréliction où était tombée sa tendre amie, il vendit tous ses biens et même un champ qu'il avait reçu en héritage. Il se présenta au pavillon bleu et proposa à la marâtre de racheter sa fille. Celle-ci y consentit, trop heureuse de se débarrasser d'un monstre. Ils s'en allèrent en silence. Choi Yun avait caché sa face noire sous un pan de son manteau. Ils vivaient heureux, mais Choi Yun ne se consolait pas d'offrir à son bien-aimé le spectacle de sa face de démon. « Ah, mon mari, mon maître, mon ciel, disait-elle, comme j'aimerais vous présenter un visage plus convenable. » Ho Huo la rassurait, mais il souffrait parfois de devoir cacher son épouse. Et chacun murmurait qu'une telle laideur était la punition des dieux pour quelque horrible méfait. Il allait tous les mois à la grande ville pour vendre les tableaux qu'il peignait. Un jour, il rencontra un homme étrange qui portait à l'index de la main droite une bague sur laquelle était gravé un serpent-dragon aux yeux jaunes. « Pourquoi peignez-vous des femmes sans visage ?» demanda avec bonté l'étranger. Ho Huo, qui se sentait le cœur un peu lourd, raconta son histoire. « Je suis médecin, » dit l'homme. « Me permettez-vous d'essayer sur votre épouse une recette dont j'ai le secret ?» Ho Huo accepta, à la condition que Choi Yun ne dévoile pas sa face noire. L'homme vint dans la maison. Il se fit apporter une bassine remplie d'eau où il traça avec son index des signes mystérieux. « Que votre épouse se lave avec cette eau, » dit-il, « elle retrouvera son visage d'autrefois. » Choi Yun s'exécuta. Elle redevint si belle que la lumière du soleil pâlissait devant la nacre de ses joues. Mari et femme remercièrent avec effusion leur bienfaiteur. Celui-ci avait disparu, et ils surent que c'était un immortel. Quel que soit le voile des apparences, le zen va droit au cœur de l'essentiel. Cette terre même est le pays du lotus de la pureté. Et ce corps même, bel ou disgracié, est le corps du Bouddha. Dicton zen.